C'est l'endroit où je passe donc 2h30, 3h par jour. Là, le laitier ne savait pas qu'il y avait des freins sur son camion. Il a cassé le mur, donc on attend l'expert pour réparer. Voilà, donc ici, on a le temps calais. Le laitier vient donc tous les deux jours avec un camion pour prendre la production de 48 heures. Il est réfrigéré, donc à 3 degrés. Donc il a été hier soir, donc dans le temps calais, il n'y a que la traite de ce matin. Il y a combien de litres à peu près là du coup? On a autour de... En ce moment, on a 800... Autour de 800 litres par jour. 800 litres pour 40 vaches traites? Pour... actuellement, il y a 40 vaches, mais il n'y a que 30 vaches traites. Puisque, comment dirais-je, une vache, pour avoir du lait, doit avoir un veau par an. Deux mois avant la naissance du petit veau prévu, on tarit la vache, c'est-à-dire qu'on arrête de la traire pour se reposer, et donc en congé de maternité, comme les madames. Et donc, actuellement, il n'y a que 30 vaches, 31 vaches à traire. Donc elles vont produire 800 litres dans la journée. Voilà, donc ici on a la laiterie, et ici on a la salle de traite. Alors, vous avez peut-être vu déjà une exploitation. Hein? On a... vous pouvez y aller au fond. Hein? Donc, le matin et le soir, les vaches rentrent lorsque la barrière est ouverte dans le fond. Elles s'accumulent dans l'aire d'attente et elles viennent une par une sur les quais de traite ici. Alors, on peut traire 5 vaches de chaque côté, donc 10 en même temps. lorsqu'elles sont en début de lactation, c'est-à-dire que lorsque la vache a eu un petit veau, elle est donc de moins en repos, elle ne donne pas de lait. Et quand le petit veau naît, la lactation recommence hein, avec quelquefois 35-40 litres le premier mois de lactation. Et bon, elle a fait de lactation au bout de 7-8 mois, sachant que la vache a un temps de gestation de 9 mois. En début de lactation, on donne un petit complément d'aliments, hop, comme ça, selon la production, hein, pour pas qu'elle épuise les réserves qu'elle a constituées pendant le tarissement. Il faut lui donner une ration plus riche en début de lactation.